puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des uns, si soit-il. Et puisque tu penses, comme une intime évidence, que parfois même tout donner n'est pas forcément suffit, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars. Que les vents te mènent, ou d'autres âmes plus belles sauront t'aimer mieux que nous, puisque l'on ne peut t'aimer plus. Que la vie t'apprenne, mais que tu restes le même. Si tu te trahissais, nous t'aurions tout à fait perdu. Garde cette chance que nous t'envions en silence, cette force de penser que le plus beau reste à venir. Et loin de nos villes, comme octobre les d'avril, sache qu'ici reste de toi comme une empreinte indélébile. Sans drame, sans larmes, pauvre et dérisoires armes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur, puisque ta maison aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. Dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir, puisque tu pars. J'aurais pu fermer, oublier toutes ces portes, tout quitter sur un simple geste, mais tu ne l'as pas fait. J'aurais pu donner tant d'amour et tant de force, mais tout ce que je pouvais, ça n'était pas encore assez, pas assez. Puisque tu pars, dans ton histoire, garde en mémoire notre au revoir. Puisque tu pars, dans ton histoire, garde en mémoire